R.I.G. Oh, la Marchie, c'est vachement toujours de Nexo. R.I.G. 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Bonjour à tous, tamisez les lumières, nous sommes à Bordeaux, sous chapiteau. J'ai vu des affiches il y a quelques semaines, il y a au moins 20 000 personnes je pense. Moi je suis dans une loge et je vois Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr ensemble pour fêter les 50 ans de carrière des Beatles. Enfin, 50 ans un petit peu passé, ça a commencé en 1962 avec Love Me Do, mais c'est pas grave, ils sont là à Bordeaux et je vous transmets le concert en exclusivité pour RIG et j'en suis absolument, absolument ravi. Donc, restez bien assis. La playlist, moi, je la connais parce que j'ai eu la chance d'avoir des fuites de l'un des quatre. Je ne vous dirai pas qui. Mais donc, on est ensemble pendant 2 heures et ça va être vraiment, franchement, très, très bien. Là, ce n'est pas le concert. Non, non. Là, c'est moi qui balance depuis le studio Rockestra Theme qui est le générique de l'émission, parce que ça aurait été trop beau quand même qu'il commence comme ça, quelle puissance. Mais je pense que dans quelques instants ça va être arrivé. Les lumières s'éteignent, je pense que ça va commencer. Showtime! Ok, here we go. Right, let's go. Bien sûr, on en parle sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. On en parle aussi sur macaclub.com et sur yellowsub.fr. Bonsoir à tous, c'est la saga spéciale, le concert des 4 de Liverpool, le concert des Fab Four. Le rideau s'ouvre, on voit la basse Hofner de Paul McCartney. Ah, on commence directement par Come Together et c'est John Lennon qui s'avance vers le micro, forcément. Bonne soirée à tous et bonne écoute. Shoot. en début de show, tous ensemble, c'est normal, c'est John Lennon qui le chante, et on a vu un George Harrison appliqué pour le solo, et avec un Ringo Starr qui s'amusait à taper bien dans ses fûts, que va-t-il se passer? Alors maintenant c'est Lennon qui parle, mais évidemment si je parle en même temps, je ne suis pas traducteur, ça va pas être facile pour moi d'arriver à comprendre ce qu'il dit. Néanmoins, si jamais j'y arrive, je vous le dis, je n'hésiterai pas. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band. Ah oui, ça c'est un gag de Plastic Ono Band, alors que c'est John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Toronto, Brower and Walker present the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. À propos, puisque j'ai un petit peu de temps apparemment, ils sont en train de se préparer, n'oubliez pas, vous voulez tout savoir sur les Beatles, rejoignez The Beatles Magazine avec Lovely Rita. Elle est à Londres, 24 heures sur 24, elle met des news sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. Vous voulez tout savoir sur les Beatles, sur McCartney, Harrison, Starr et tout ça, sur les amis des Beatles et sur nous, les DJ qui faisons des émissions, allez sur Beatles Magazine, comme ça vous saurez tout. L'ambiance ici à Bordeaux, comme vous entendez. Okay, we're just gonna do numbers that we know, you know, because we've never played together before. John Lennon qui rigole, on va faire des chansons qu'on connaît parce qu'on n'a jamais joué ensemble. C'est pas vrai, mais c'est bien quand même. Il nous fait le même coup qu'en 69. Well, it's a one for the morning. Blue Sweet Shoes sur RG. Three to get ready now, go, get, go, go. Down, red on my face, sign of my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of that shoe, don't you? For my blue sweet shoe. You can do anything, lay off of that blue sweet shoe. Drink my liver from the old fruit jar. Do anything that you wanna do. Est-ce que quelqu'un d'autre va prendre le lead? Je pense que Paul McCartney s'avance, il prend sa guitare sèche. Est-ce qu'il va nous faire Yesterday déjà? Ça m'étonnerait quand même, ce serait certainement un petit peu tôt dans le concert. Is anybody here in San Francisco land? Know what, non, on est à Bordeaux. Rhythm box is? Il dit, est-ce que quelqu'un ici sait ce qu'est une boîte à rythme? Ben, c'est ça, c'est ce que vous entendez. For anybody who doesn't know, it's this little box you can get, you plug it in the wall. That's it, and it comes out like that. Remember what they can do to you. RIG. DJ retransmet le concert des Fab Four à Bordeaux. C'est fantastique. C'est carrément irréel, on n'y croit pas. Your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, yeah, yeah, yeah. A bluebird. You're a bluebird, you're a bluebird, you're a bluebird, yeah, yeah, yeah. Et les Fab Four sont ensemble, c'est quelque chose de merveilleux. Quand même, rappelez-vous que Ringo Starr et John Lennon ont 74 ans, McCartney en a 72, et le petit jeune George Harrison, il en a un de moins. Donc c'est quand même assez surprenant. Oh, ça devrait être George Harrison, là, c'est For You Blue. Mais non, je vois pas le McCartney qui s'avance près du micro. Ah, il y a un clin d'œil entre eux tous, là, c'est merveilleux. Living every moment, girl, for you. because you're sweet and lovely, girl, it's true. Well, I love you more than ever, girl, I do. Vous êtes bien sur RG. Le concert des Fab Four qui est retransmis ici et depuis Bordeaux pour célébrer leurs plus de 50 ans de carrière. Là, c'est typique, c'est Got My Mind Set On You, c'est George Harrison qui va chanter, j'en suis sûr. Do it right, child. And it's George Harrison surérigé dans la saga des Fab Four, le concert qui se trouve là, pas loin de Blanquefort, sous chapiteau. Il y a au moins 20 000 personnes. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et à l'instant, George Harrison qui a chanté Got My Mind Set On You comme il l'avait fait en 1992, dans la même tonalité. Là, je reconnais Paul McCartney, la touche de McCartney. Ça doit être Letting Go. Avec la basse à fond, les manettes. Montez le son, c'est RG, c'est la saga des Fab Four en live. Letting Go à l'instant, tout le monde se regarde et McCartney va enchaîner avec un titre beaucoup plus récent de 2001, Driving Rain. Moi, je suis un petit peu avantagé par rapport à vous. D'abord, je suis dans la loge VIP, donc j'ai une vue sur les 4 Fab Four absolument fabuleuse. Mais en plus, j'ai la playlist. Je sais ce qui va apparaître dans quelques instants. Par exemple, là, je peux vous dire que c'est encore McCartney, mais les 3 autres vont également se joindre à lui, puisque c'est une chanson des Beatles, Good Day Sunshine, sur RIG, dans la saga des Fab Four, en live. John Lennon qui dit « Et moi, quand est-ce que je chante ?» Eh bien, ça y est. Puisque c'est Dizzy Miss Lizzy, en général, c'est chanté par John. Je pense que c'est lui qui va la chanter. Love it! John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison ensemble à Bordeaux pour un concert de réunion. C'est absolument génial. Je sais que là, actuellement, John Lennon va parler un petit peu pour sa fondation politique, etc. Et donc, on avait prévu ici au studio de Blanquefort de passer un petit message pendant le temps que John Lennon parle de politique, parce que on ne fait pas de politique sur RIG. Donc voici le message de RIG. RIG, votre radio locale, se fonde sur une valeur essentielle. Chaque auditeur est unique. Communiquer avec chacun d'entre vous est essentiel. RIG veut développer et enrichir son site internet pour le rendre plus accessible et interactif. Vous donner la parole et permettre de vous approprier nos émissions. Votre soutien nous sera précieux. Aidez-nous à mettre en œuvre ce projet, à le financer. Chaque participation, même la plus minime, aura sa valeur, car RIG Radio Associative dispose de peu de moyens. Pour souscrire, adressez vos dons à RIG, BP 66, 33 290, Blanquefort. Toute l'équipe de RIG vous est reconnaissante pour votre engagement. L'association Les Amis de RIG vous fera parvenir un reçu. On revient juste à temps sous le chapiteau pour la suite du concert. C'est George Harrison qui reprend le lead avec Piggies sur RIG. White shirts, you will find the bigger piggies stirring up the dirt, and they always have t-shirts to play around in. And Amos dies with all the backing, they don't care what goes on around. Down at the piggy banks, paying piggy thanks to the pig brother. Everywhere there's lots of piggies living piggy life. You can see them out for dinner with the piggy wives, punching forks and knives to eat the jusqu'au One More Time de l'origine des Beatles sur l'album blanc en 68, forcément. Ah, qu'est-ce qu'il réserve ? C'est Paul McCartney qui a pris la lead guitare. Et apparemment, il va chanter la chanson de Ringo, I Wanna Be Your Man. I wanna be your man. I wanna be your lover, baby. I wanna be your man. wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. J'espère que vous avez entendu le rire de Ringo, et Ringo qui dit « Mais c'est moi qui chante ça habituellement !» Et du coup, eh ben c'est lui qui va la chanter, voilà, parce que Paul McCartney dit « Do it !»

Vous vous décalez, il rigole, on est à Bordeaux. Il fait un grand sourire, donc il sait pour rire. All right, all right. Let Me Roll It, chanson de 1973, sur RIG, dans le concert des Fab Four. Let me incarnait parfaitement en voix, alors qu'on se disait quelquefois qu'il avait un petit peu perdu de sa voix. Eh ben non, je ne trouve pas. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment très, très bon. Alors, Paul va jouer au piano, là, on vient de dire. Ok. Se déplace. Et non, il est parti boire un coup. Oh, c'est Maybe I'm Amazed surérigé dans la saga des Fab Four Live. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Or maybe I'm afraid of the way I love you. Breathe. déjà plus d'une heure que les quatre Fab Four, John, Paul, Ringo et George, chantent ensemble. Et tout se passe très très bien, on sent la complicité. Là, visiblement, évidemment, c'est George Harrison qui va chanter. Here comes the sun. La chanson des Beatles, forcément, vous la connaissez. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est le concert live. Here comes the sun. Here comes the sun. I say, it's alright. J'aimerais bien qu'il nous chante la chanson, ma chanson préférée, vous savez. Ah bah voilà, celle-là justement. While My Guitar Gently Weeps sur RIG dans la saga des Fab Four en live. Eric Clapton, Psycho, guitar. Ah oui, parce que je vois dans l'ombre Eric Clapton, il y a aussi Billy Preston. Peut-être qu'il chantera quelque chose tout à l'heure. Transmission intégrale du concert des Fab Four sur Bordeaux, c'est maintenant sur l'antenne de RIG 90.7. Et voici This One, Paul McCartney en vedette. Did I ever look you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart and let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment. This one is riding above the ocean. A god is riding upon his back. I'll calm the water and bite the rainbow. Fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek? Say that you were mine. Thank you for the smile. Try to get inside. If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one. This one is lying above the ocean. A god is riding upon his back. What opportunities did we allow to flow by? Beating like a diamond, wasn't quiet right. What kind of magic might have worked if we stayed gone? Could I have given you a better life? Did you ever take me in your arms? Look inside. If I never did, I was only waiting for a better moment that you've gone. There never could be a better moment than this one. This one. This one is gliding above the ocean. God is riding on his back. Vous avez remarqué combien ces septuagénaires ont encore la forme. 19 titres sans s'arrêter. Je sais qu'il est prévu un petit break dans quelques minutes, mais pour l'instant, c'est Getting Better. Paul McCartney qui chante. It's getting better all the time.

rock. Girl with record machine, when it comes to rocking, she's a queen to dance on a Saturday night. I'll know her, I can hold her tight. She lives on 24-hour count. The elevator's broken down. But I want her to fly me by phone. Fly, six, seven, fly me by phone. I'm on the 12-ounce down the side. 15 before I'm ready to drive. I get to the top. Well, she called me up on the telephone. Said, come on over, baby, because I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet. I'm in bed with the aching feet. This went on for another day, but I couldn't stay away. I'm walking up to 5 feet by 4, 5 feet by 4. I'm on the trail and I'm starting to say, 15 before I'm ready to drag. I get to the top. My baby too much to wait. All this time is getting me down. If I'm a country boy, I walk 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'm on the side, I'm before I'm ready to drag. I get to the top, I'm too tired. You don't do that to rock, man. Deux de concert et ils sont survoltés, c'est incroyable. Vous êtes bien sûr RIG 90.7, c'est la radio des Beatles et des Fab Four. That was me at the scout camp in the school play, spade and bucket by the sea. That was me. That was me playing conkers at the bus stop on a blanket in the bluebell. That was me. The same me that's dancing now. When I think that all that stuff to make a life is pretty hard to take it in. That was me. Well, that was me. Royal Iris on the river. Mercy beating with the band. Yeah, that was me. That was me. Sweating cobwebs on the contract in a cellar on TV. That was me. The same me that's dancing now. If fate agrees that all of this will make a lifetime, who am I to disagree? Oh, that was me. Merci Paul McCartney. Et je vois un tas de personnes en kilt qui rentrent sur la scène. Que se passe-t-il? Est-ce que ce serait... Mais oui, je crois bien. This next wee songy was recorded also in Scotland. Il dit que la prochaine chanson a été enregistrée en Écosse. It was like this. Et c'est More of Kintyre en live, s'il vous plaît. Oh, the Kintyre home is rolling in from the sea. My desire is always to be oh, all of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen. Dark distant mountains with valleys of green. Past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me on to the Mall of Kintyre. Mall of Kintyre, old mist rolling in from the sea. My desire. l'acclamation des spectateurs de Bordeaux, et c'est bien vu, c'est le concert des Fab Four en live retransmis seulement sur cette radio. On a obtenu du droit alors qu'on est quand même une toute petite radio, c'est quand même plutôt sympa, et je suis content que ce soit la saga des Fab Four qui ait obtenu l'autorisation de faire ça. La suite du concert, eh bien, c'est dans quelques secondes. Je crois que c'est toujours McCartney qui est là, parce que c'est comme ça, c'est Paul, c'est le grand Paul McCartney. Et c'est le titre que j'adore, mais que je n'aime pas à cause de la pyrotechnie. Oui, de quoi je veux parler? You tell me the name then. Right, Live and Let Die. Live and Let Die, sur RG. John Lennon à 74 ans qui courait partout sur la scène avec un Ringo Starr derrière ses fûts, 74 ans aussi, à fond la caisse, quelque chose de génial. Tiens, voilà Ringo maintenant. You're 16, you're beautiful and you're mine, à son âge. You're my baby, you're my test. Chicago. Décidément, ils ont décidé ce soir de dire n'importe quoi. San Francisco, Chicago, ce qu'ils veulent. En tout cas, nous sommes bien à Bordeaux. C'est le live qu'il fallait entendre. Et Bill Preston qui va chanter, je le sais. Il va chanter Isn't It a Pity avec George Harrison à côté. C'est chouette. C'est bien sûr RIG 90.7. C'est la retransmission du concert live des Fab Four. Isn't it a pity? Isn't it a shame how we break each other's heart and cause each other pain? How we take each other's love without thinking anymore? Getting to give back. Isn't it a pity? Billy Preston. Some things take so long, but how do I explain? We're not too many people and see we're all the same. And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? And cause each other pain. And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauty that surrounds them. Isn't it a pity? Eric Clapton et Billy Preston, seul Ringo était resté pour assurer derrière les fûts. Les deux autres, Ringo, non plutôt George et John et Paul, je vais y arriver, étaient partis derrière. Ça doit être les encore maintenant. Donc si vous voulez, si vous préférez, les rappels. Qu'est-ce qu'ils vont nous chanter en rappel? Eh bien je pense que la réponse arrive. Ça ressemble fortement à Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band par les 4 Fab Four, John, Paul, Ringo, George. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.

that's the end for tonight's show. Merci d'avoir écouté ce concert spécial fait pour vous pour la saga des Fab Four, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Il me semble me souvenir que la semaine prochaine, l'album de la semaine sera At the Speed of Sound, la nouvelle version, le coffret de luxe. À très très bientôt. Eric n'est pas là ce soir, mais bonne semaine à l'écoute des programmes de RG. À bientôt, ciao.